Oui, sentinelle ma blanche, rempart serré sur le Blavet. Trois fontaines sur mes nuits blanches, un cœur mouillé, un cabaret. Tes nuits sont belles pour mes voyages. J'aperçois Croix au bout du quai. Trouve-moi charmant équipage, j'ai bien envie de te quitter. Bon, oui, mon départ pour les Indes, Chandernagor, mon dit chéri. Le temps d'oublier nos étreintes, je te reviendrai insoumis. Je te connais, ma brise larme. Sauras-tu me faire oublier? Vois le temps du qui désarme ta forteresse désertée. Bon, oui, faut-il que je m'acharne à te prouver ma soif d'aimer. Ma tendre amour sous le charme, sauras-tu me faire espérer? Des bateaux vides de voyage se taisent à l'ombre de tes remparts. Même sans bagage, sans même l'ombre d'un regard. Bon, oui, sentinelle ma blanche, bord avancée de mes amours. Sous vos baisers en avalanche, je naviguais sur du velours. Je naviguais dans des silences, comme un voyage sans retour. Je retourne en adolescence à trop vouloir te faire la cour. Bon, oui, mes amours de jeunesse, les plus belles au soir découpées, un peu comme de belles promesses que tu m'as laissé deviner. C'est au pied de ta forteresse que j'ai aimé, que j'ai aimé. Taille aux boucles d'une tresse que je ne pourrais oublier. Bon, oui, mon entrée sur la rade, mon passeport pour l'éternité. Vieux souvenirs sur mes aubades, mes filles juste devinées. Elles étaient belles à Désirade, comme des fleurs sous des pavés. Faudra-t-il que je reste en rade pour les avoir tant désirés. Bon, oui, sentinelle ma blanche, rempart serré sur le Blavet. Trois fontaines sur mes nuits blanches, un cœur mouillé, un cabaret. Tes nuits sont belles pour mes voyages. J'aperçois Croix au bout du quai. Moi, charmant équipage, j'ai bien envie de te quitter. J'ai bien envie de te quitter.